et Kennedy. La question est venue sur mes lèvres presque par hasard. En effet, pourquoi mon mystérieux interlocuteur n'aurait-il pas aussi des lumières sur cette affaire Kennedy qui pose encore tant de questions demeurées à ce jour sans réponse? Et Kennedy. Monsieur X a souri. Il a répété, toujours souriant, Kennedy. Puis il a soupiré et il a laissé tomber. C'était inévitable. Jamais ces gens-là n'auraient accepté que John Fitzgerald accomplisse un second mandat. Alors, il fallait qu'il meure avant l'élection présidentielle de 1964. Rarement sans doute, la disparition d'un dirigeant politique n'a soulevé une telle émotion dans le monde entier. C'est que JFK, comme on l'appelait aux États-Unis, était d'abord un symbole. Le symbole d'une Amérique jeune et nouvelle, qui voulait être un modèle de morale et de conviction. Une Amérique éprise de paix, qui allait lutter contre la pauvreté, balayer les barrières raciales, mais aussi conquérir l'espace où les soviétiques ne cessaient d'accumuler les succès. Bref, avec Kennedy, c'était une autre espérance qu'on découvrait, une autre manière de faire de la politique. On sait aujourd'hui tout ce qu'il y avait d'artifice dans ce programme. Pour nombre d'historiens, les 1000 jours pendant lesquels Kennedy a gouverné sont beaucoup moins glorieux qu'on l'a prétendu. Et l'image même du président a été depuis largement écornée. Nous y reviendrons. Mais auparavant, examinons les circonstances de ce voyage présidentiel dans le Texas où Kennedy devait trouver la mort. Un voyage, chacun s'accorde à le dire, qui était incontestablement à haut risque. Et d'ailleurs, le président avait hésité avant d'accepter d'effectuer ce voyage officiel. Finalement, il s'y était résolu parce qu'il était obligé de soutenir son vice-président, un Texan, Lyndon Johnson, avec qui d'ailleurs il n'entretenait pas de très bonnes relations. Pourquoi un voyage à haut risque? Eh bien parce que dans cet État, qu'on dit le plus fou de l'Union, Kennedy était haï. Le Texas était en effet contrôlé par les pétroliers. Or, Kennedy voulait instaurer une taxe sur l'extraction du pétrole, une taxe jugée criminelle, pas moins, par ses pétroliers. D'autre part, la population, composée en majorité de petits blancs, conservateurs et protestants, ne pouvait pas se reconnaître dans ce jeune président Yankee, ce patricien catholique, réputé progressiste, qui voulait abolir toutes les formes de ségrégation raciale. C'est donc dans un climat de haine difficilement imaginable que JFK est arrivé à Dallas ce 22 novembre 1963, à tel point que des portraits du président barrés d'une mention « recherchée pour trahison » avaient été placardés dans toute la ville. Dans un instant, M. X nous dit qui, selon lui, a assassiné John Fitzgerald Kennedy. Travel is searching. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant que vous ne me posiez la question, je vais vous dire pourquoi je dispose d'informations inédites sur l'affaire Kennedy. Bon, appelons-la comme ça. J'espère. Ouais. Bon, dans les services, nous nous intéressions beaucoup à ce qui se passait outre-Atlantique. Et c'était réciproque. Vous vous souvenez de l'intervention de la CIA dans l'affaire des fuites. Oui, parfaitement, vous l'avez raconté. Ouais. Eh bien, en 1961, nos amis américains ont eu la tentation de récidiver. Attends, expliquez-moi, là, je ne comprends pas. 1961, c'est l'année du putsch des généraux. Or, nous avons eu la preuve que la CIA avait donné un coup de pouce aux putschistes. Si vous voulez, on en reparlera un jour, dans le détail. Il en est résulté, en tout cas, un échange discret, mais assez rugueux entre nos services. Mais toute chose produit aussi son contraire. Ça nous a aussi permis de renforcer notre pénétration aux États-Unis. D'autant que la politique plutôt américanophobe du général de Gaulle nous y encourageait. Mais où voulez-vous en venir, là ? À ceci. Très tôt, nous avons compris que le président Kennedy rencontrerait les plus grandes difficultés à l'intérieur même des plus hautes instances fédérales. Chacun sait en tout cas que le patron tout-puissant du FBI, John Edgar Hoover, ne le portait pas dans son cœur. C'est juste, mais il n'était pas le seul. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est le fameux ratage de la baie des cochons. C'est-à-dire la tentative d'invasion de Cuba. Oui, je résume. Cuba, depuis que Fidel Castro avait chassé le dictateur Batista, c'était une épine communiste plantée dans l'arrière-train américain, si vous me permettez cette expression un petit peu triviale. Une véritable provocation qu'il fallait faire cesser au plus vite. L'administration Eisenhower avait concocté un plan d'invasion dont le nouveau président avait hérité. Et le plan avait été concocté par qui exactement ? La CIA et son chef, Allen Dulles, sous la supervision de Richard Nixon, le vice-président de l'époque. Ouais. Mais Kennedy, nouvellement élu, n'était pas forcé d'avaliser une opération envisagée par son prédécesseur. Vous avez raison. C'est vrai que personnellement, Kennedy n'était pas très chaud pour se lancer dans cette aventure. Mais à l'époque, la CIA était un état dans l'état, une puissance incontrôlée et presque incontrôlable. Ça veut dire que la CIA a forcé la main du président Kennedy. Non seulement elle lui a forcé la main en lui démontrant que les troupes d'invasion anticastristes formées et appuyées par les forces américaines étaient capables de renverser Castro, mais elle a sciemment désobéi à Kennedy. Ouais. Et vous avez les exemples, hein ? Naturellement. Kennedy avait demandé qu'on écarte de l'armée d'invasion tous les hommes qui avaient servi le régime corrompu de Batista. Il avait même exigé l'arrestation de l'un des plus compromis, un certain Mas Ferrer. Or, non seulement la CIA n'a pas obéi aux ordres présidentiels, mais elle a éliminé les anticastristes, les plus progressistes, des gens qui avaient d'ailleurs combattu aux côtés de Castro contre Batista, avant de rompre avec le dirigeant révolutionnaire cubain. Le type qui était donc soupçonné de ne pas être assez anticommuniste. Et cela, alors, quand vous l'avez constaté, cette désobéissance, ça vous a donné des idées. Bien entendu, parce que ça voulait dire qu'il existait aux États-Unis des hommes puissants décidés à lutter par tous les moyens contre la politique de Kennedy. Mais après le fiasco de l'invasion anticastriste, Kennedy a dû prendre des sanctions. C'est juste. Il a d'abord éliminé le patron de la CIA, Allen Dulles. Et non seulement il a mis l'agence sous surveillance, mais il a créé un organisme, la DIA, Defense Intelligence Agency. censé superviser tous les services de renseignement. Vous avez dit censé superviser. Oui, parce que ça n'a pas vraiment affecté l'indépendance de la CIA. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'en agissant ainsi, Kennedy s'est fabriqué une belle brochette d'ennemis. Les hommes de la CIA, j'imagine. Bien sûr. Mmh. Cela est aussi une bonne partie des anticastristes qui ont naturellement rendu Kennedy responsable du ratage de la baie des cochons. Si le président américain, ont-ils dit, nous avait donné tous les moyens dont nous avions besoin, nous aurions réussi à prendre pied à Cuba et à renverser Castro. Mmh. Or, ces hommes, enfin, tous ces hommes étaient dangereux, très dangereux. Mmh. Pour vous, sont eux les véritables assassins de Kennedy? Voilà, il me semble que vous allez un petit peu vite en besogne. Oui, avant de venir ici, j'ai beaucoup lu, et vous savez comme moi que nombre de journalistes, d'historiens ont mis en cause la CIA. Alors après ce que vous venez de me dire... D'accord. Nous allons un petit peu plus loin, si vous le permettez. Mais beaucoup plus loin. Je vous écoute. Bon, je voudrais vous parler d'un personnage singulier pour lequel, autant vous le dire tout de suite, je n'éprouve guère de sympathie. Cet homme, c'est le père de JFK. Joseph Kennedy. Oui. Joey Kennedy, le patriarche de la tribu, un type richissime qui avait fait des affaires très profitables dans la banque puis à Hollywood. Mais son plus grand fait d'armes, ça reste la vente de son portefeuille en 1929, juste avant le krach de la bourse. Prémonition ? Non, je crois que Joey Kennedy, comme d'autres milliardaires, avait été averti à l'avance de l'effondrement prochain de la bourse. En tout cas, alors que le krach allait ruiner des millions de gens, ça lui avait permis à lui de réaliser des profits colossaux. D'ailleurs, des mauvaises langues ont prétendu que ces milliardaires, dont Rockefeller, avaient eux-mêmes provoqué le krach pour mieux s'enrichir. Et Joe Kennedy n'a jamais été inquiété pour ça? Non, car à l'époque, aucune commission boursière de contrôle n'existait. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque cette commission a été créée quelques années plus tard, le président Roosevelt a nommé Joe Kennedy à la présidence de la dite commission. Effectivement. Il faut dire que Joe avait très généreusement contribué à financer la campagne électorale de Roosevelt. Ça s'explique alors. Mais plus intéressant, sous le personnage officiel, il y avait un autre homme, mais pas très reluisant celui-là. Et que pouvait-on lui reprocher? Il est à peu près acquis que Joey a bâti une partie de sa colossale fortune grâce à la loi sur la prohibition. C'est-à-dire en vendant clandestinement de l'alcool. Exact, et vous savez ce que ça signifie. Joey Kennedy, trafiquant d'alcool, devait forcément entretenir des relations avec la pègre. La mafia. Oui, et selon certaines de nos informations, dans ces années de la prohibition, le vieux Joey, en bisbille avec un gang de New York, avait même dû demander aux truands de Chicago d'intervenir en sa faveur. Ce qu'ils ont fait. Mais quand on recourt au service de ces gens-là, on reste à vie leur débiteur. J'entends. Sur la personnalité de Joe Kennedy, il existe de nombreuses sources. Par exemple, cet article de Nicolas Chatelain paru dans la revue Historia. En 1932, Kennedy, bien introduit auprès de Roosevelt, comprend que les lois de prohibition vont être abolies. Je cite Chatelain. Prévoyant comme toujours et disposant d'abondantes réserves d'argent, Joe Kennedy organise aussitôt une société de fabrication de bouteilles et d'importation de boissons alcoolisées. Sur quoi, il partit pour l'Europe avec un des fils de Franklin Roosevelt et y négocia une série de contrats avec les grands producteurs britanniques de whisky et de gin. Les permis d'importation avaient été négociés à l'avance avec le gouvernement américain, auquel Joe Kennedy avait fait croire que le gin importé était destiné à des besoins médicaux. Lorsque les lois de prohibition furent abolies, les entrepôts Kennedy regorgeaient déjà d'alcool divers qui n'attendaient que la réouverture des bars pour être consommés. Il faut toutefois noter que dans cet article, il n'est pas fait allusion aux relations de Kennedy avec la mafia. Encore une chose à propos de Joe Kennedy. Roublard, affairiste, il n'en est pas moins nommé ambassadeur des États-Unis à Londres en 1938. Ouvertement munichois, hostile à tout engagement américain dans la guerre, défaitiste donc, il fait scandale. En fait, on le comprend assez vite, les sympathies de Joe Kennedy vont plutôt à l'Allemagne nazie, avec laquelle, pense-t-il, il y a certainement de bonnes affaires à réaliser. C'est donc la brouille avec Roosevelt et la fin de sa carrière publique. Désormais, Joe n'aura plus que deux ambitions, gagner toujours plus d'argent et porter l'un de ses fils à la magistrature suprême. Comme chacun sait, il réussira, et l'une et l'autre, de ses ambitions. La mafia s'est rappelée au bon souvenir de Joe Kennedy lorsqu'il est devenu évident que le milliardaire allait mettre toute sa fortune au service du destin présidentiel de JFK. Au reste, les gangsters avaient aussi une autre raison de prendre contact avec le vieux Joe. À la fin des années 50, une commission parlementaire enquêtait sur les détournements des fonds des syndicats par la mafia. Les syndicats américains, dans le fameux syndicat des camionneurs, qui étaient tous dans la main de la mafia. Oui, c'est juste, oui. Or, dans cette commission parlementaire, il y avait un jeune et brillant avocat conseil, un homme qui faisait beaucoup de bruit, Bob Kennedy, le frère de John. Donc les dirigeants de la mafia ont fait pression sur Joe pour qu'il calme son fils. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Et ça a marché. En tout cas, les enquêtes de cette commission parlementaire n'ont été suivies d'aucun effet. Et pourtant, plus tard, lorsque Bob Kennedy sera le ministre de la Justice de son frère, de JFK, il va s'illustrer dans la lutte contre le crime organisé. Oui, pour le plus grand malheur de son frère, mais on en parlera. Pour l'instant, au moment où Joe va lancer son fils dans la course à la présidence, il semble bien qu'un véritable pacte soit passé entre le vieux Kennedy et la mafia. Un pacte, c'est un peu gros quand même. Bon, pas du tout. Je vous ai dit que les rapports de Joe Kennedy avec la mafia étaient aussi anciens que nombreux. Et même dans l'entourage de son fils John, il y avait des gens proches des gangsters. Sinatra, par exemple. Mais ça, on a beaucoup parlé de Sinatra. D'autre part, il ne faut pas oublier, même si on l'a volontairement gommé quand il s'est agi de bâtir la légende Kennedy, que JFK était un fêtard, amateur de bonne fortune, comme son père d'ailleurs. Et il est certain qu'il a commis beaucoup d'imprudences en laissant libre cours à ses plaisirs. Vous voulez dire là qu'on aurait pu faire chanter. Oh, c'est évident, surtout quand on sait que certaines de ces virées sont passées dans des établissements contrôlés par l'organisation, comme on dit là-bas. Oui, mais admettons. Mais revenons à ce pacte qu'aurait passé son père Joe avec le milieu. Je vois bien l'intérêt de la mafia. En effet. Avoir un ami à la Maison Blanche, ça n'est quand même pas négligeable. Ça permet d'envisager l'avenir de façon sereine. Oui, mais l'intérêt des Kennedy. Bah, évident. La mafia était alors plus puissante que jamais. Et elle avait déjà montré dans le passé, au cours de scrutins locaux, qu'elle pouvait faire élire ses candidats. En achetant des voix ? Par exemple, ou en apportant les suffrages des quartiers urbains qu'elle contrôlait. Ou encore en apportant les voix des syndiqués, puisque les syndicats étaient pour la plupart sous la coupe de la pègre. Vous voyez, tout ça, c'était loin d'être négligeable. Surtout quand on pense que depuis longtemps, on n'avait pas vu une élection à la présidence des États-Unis aussi indécise. Il ne faut pas oublier quand même que Kennedy n'a battu Nixon que d'une poignée de voix. Mais je crois 100 000 à peu près. Oui, à peu près. Hein. À l'échelle de l'Amérique, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, selon vous, c'est clair, Kennedy devrait sa victoire à la mafia. Incontestablement. Et donc, la mafia, a dû vouloir toucher aussitôt après ces dividendes. C'est normal, non? Les affaires sont les affaires. Étrangement, les intérêts du crime organisé rejoignaient ceux des hommes dont nous avons parlé au début de ces entretiens. Les gens de la CIA. Cela même. Alors expliquez-moi, dans le détail. Eh bien, c'est très simple. La chute du dictateur cubain avait été une véritable catastrophe pour la mafia, parce que les gangsters avaient fait de Cuba leur île, une île mafieuse où ils contrôlaient les casinos, les filles, le trafic de drogue, où ils pouvaient aussi blanchir l'argent sale en toute tranquillité. Bref, un paradis pour truands. Ouais, et donc l'arrivée de Castro, c'était une catastrophe et il était urgent pour la mafia de reconquérir l'île. Voilà. Donc, dans un premier temps, les gangsters avaient cru qu'ils pourraient s'arranger avec Castro. Mais c'était bien mal connaître les leaders Maximo. Ils ont dû très vite déchanter. Mais existait-il des rapports entre la mafia et la CIA? Bien entendu, dans tous les pays, les services de renseignement sont tentés d'utiliser les voyous. Oui, pour accomplir les sales besoins. Entre autres, oui. Souvenez-vous de l'affaire Ben Barka, ou de la lutte contre l'OAS, ou encore de l'enlèvement du colonel Argou. À chaque fois, le pouvoir a engagé des barbous, c'est-à-dire des hommes du milieu. Et la CIA n'a pas agi autrement, d'autant que, pour certains de ses agents, la frontière était assez floue entre gangstérisme et le service de l'État. En particulier chez tous ces agents secrets qui magouillaient dans le milieu des exilés cubains. Et vous avez des exemples, hein? Une quantité, oui, mais je vais vous donner un seul nom. Et celui-là suffira à vous convaincre. Vous avez déjà entendu parler de Jacob Rubinstein? Non. Et si je vous dis Jacques Ruby? Ah bah oui, Ruby, c'est le type qui a assassiné Lee Harvey Oswald. Lui-même. Un type influent de la mafia au Texas, mais aussi un homme qui fournissait les anticastristes en armes et munitions. Vous y voyez plus clair maintenant? Ce que nous sommes, amorce de sourires et de bombes, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi. On s'y retrouve, on s'y perd. C'est toi contre moi. On se révolte. On se soumet, et toi contre moi. La guerre encore, on s'y fait. Mais toi contre moi. Pourvu qu'on reste les meilleurs ennemis du monde. Et tant pis si on est le mariage du ciel et de l'ombre. Revenons un instant à Jacob Rubinstein, alias Jack Ruby, l'assassin du présumé meurtrier du président Kennedy. Dans un article d'Henri-Christian Giraud, publié dans le Figaro magazine, je lis ceci. Originaire d'une famille d'émigrants juifs polonais, Jack fait ses premières armes dans la pègre locale de Chicago comme garçon de course. Puis, c'est le parcours classique. Il gagne ses galons en devenant l'homme de confiance et de main du président du syndicat des ferrailleurs et des chiffonniers, participant à des remises en ordre de sections syndicales, gérant des boîtes de striptease et touchant au trafic de drogue qui commence à remplacer l'alcool. En 1946, il s'installe à Dallas où il prospère dans l'exploitation de boîtes de nuit dont la plus célèbre, le Carousel. Jeux clandestins, trafic de drogue, prostitution sont les trois mamelles de l'entreprise Ruby. Sans, il faut noter, qu'il rencontre de difficultés particulières avec la loi. Est-ce parce que les policiers bénéficient au Carousel d'avantages en nature? Plus loin, le journaliste indique que Ruby était le contact central et permanent de la mafia à Dallas. Quant au frasque de JFK, évoqué par M. X, les témoignages abondent. Voici par exemple ce qu'écrit en 1991 dans Valeurs Actuelles le journaliste Gérald Olivier, à partir de la lecture de plusieurs livres parus aux États-Unis. Je cite Olivier. En 1954, sa sœur épouse l'acteur Peter Lawford. Celui-ci devint l'entremetteur des Kennedy à Hollywood. Ce qui se passait chez lui est indescriptible, a dit la femme de l'acteur Dean Martin. Lawford a permis à John de rencontrer en particulier Marilyn Monroe, avec qui il eut une aventure en 1962, avant de la pousser dans les bras de son frère Bob. Judith Campbell, maîtresse de Sam Giancana, un des patrons de la mafia, figurait aussi parmi les assidus du président. Elle fit de nombreuses visites à la Maison-Blanche ainsi qu'au Carlyle et au Plaza Hotel de New York, où, pour la rejoindre, John empruntait les égouts et un tunnel secret. Je pourrais encore poursuivre, la liste des conquêtes de Kennedy est longue. Il est incontestable, comme le disait M. X, que le candidat, puis le président, ont accumulé les imprudences et que les liens de Kennedy avec la mafia, via cette Judith Campbell, semblent établis. Mais retrouvons M. X pour la dernière partie de notre entretien. Donc la CIA et la mafia avaient le même objectif, abattre Castro. Oui. Et tout a été envisagé, projet d'attentat, d'assassinat. Le service secret et les truands travaillaient la main dans la main. Et pourtant, ils ont échoué. À leur décharge, si je puis dire. Il faut bien réaliser que se débarrasser de Castro n'était pas chose facile. C'est alors qu'a été envisagée, puis réalisée, la désastreuse opération de la Baie des Cochons. Et m'avez-vous dit, c'est Kennedy qu'on a rendu responsable de son échec. Oui, parce qu'il n'aurait pas aidé comme il le fallait les envahisseurs. Et les gens de la CIA, mouillés dans l'opération, lui en voulaient à mort. Or, c'est ce moment-là que choisit le frère du président, Bob, pour lancer une spectaculaire chasse au crime organisé. Et la mafia se sent une nouvelle fois trahie. C'est l'évidence. Elle a aidé ce président à conquérir la Maison Blanche et voilà que celui-ci se retourne contre ses amis de la veille. Inacceptable. Mais si je m'en tiens à votre hypothèse, là, comment peut-on comprendre ce retournement des Kennedy? Moi, j'ai une idée. En fait, je dirais que c'est une quasi-certitude. Les Kennedy, père et fils, se sont crus trop malins. Expliquez-vous. C'est très simple. JFK doit son élection à la mafia. C'est un parrainage encombrant. Vous imaginez si ça venait à se savoir. Tout le mythe Kennedy s'effondrerait. Alors le clan se dit que le plus habile serait de se débarrasser de tous ces gangsters. C'est ainsi que Bob Kennedy, attorney général, c'est-à-dire ministre de la Justice, décide de s'attaquer énergiquement à l'organisation mafieuse. Oui, mais il présume un peu de ses forces. Hein. Oui, parce que même au FBI, il y a des gens qui sont tout prêts à le trahir, à commencer par Edgar Hoover, lui-même. C'est-à-dire le chef du FBI. Hein. Donc, conclusion, le président Kennedy devait maintenant faire face à deux ennemis, d'un côté la CIA, de l'autre la mafia. C'est la stricte vérité, oui. Alors, pour étayer votre démonstration, on pourrait peut-être maintenant en venir à l'attentat lui-même. Si vous voulez. Vous savez qu'à ce propos, on a raconté tout et n'importe quoi. Moi, en étudiant l'affaire, je m'en suis d'abord strictement tenu aux faits, comme devrait d'ailleurs faire tout enquêteur digne de ce nom. Alors allez-y, je vous écoute là. Premier fait. JFK est mortellement blessé dans sa voiture découverte le vendredi 22 novembre à 12h30, local, par des balles tirées à distance à la sortie de Dallas. Deuxième fait. Trois quarts d'heure plus tard, à 13h15, le policier Tippit est tué à coups de revolver dans le quartier d'Oak Cliff, à plusieurs kilomètres de l'endroit où a été abattu le président. Dans quelles circonstances? Il sortait de sa voiture de patrouille pour aller parler à un piéton qui marchait sur le trottoir devant lui. Il a hélé ce piéton et à cet instant, plusieurs coups de feu ont claqué. Et c'est le piéton qui l'a abattu? Je ne sais pas. les faits, rien que les faits. Vous ai-je dit justement le troisième fait, un peu avant 14 heures, donc trois quarts d'heure après le meurtre de l'agent Tippett, un certain Lee Harvey Oswald est arrêté dans un cinéma d'Oak Cliff. On le soupçonne d'être l'assassin du policier. Mais comment a-t-il été identifié ? Un vendeur de chaussures, intrigué par son attitude, a alerté la police. Quatrième fait. À 14h15, le capitaine Fritz, de la police de Dallas, paraît pris d'une soudaine inspiration. Il demande à deux de ses hommes d'aller interpeller un nommé Oswald, qui pourrait être mêlé à l'assassinat du président. Mais, à sa grande surprise, on apprend à Fritz qu'Oswald a déjà été arrêté et qu'il se trouve dans les locaux de la police. Enfin, cinquième fait, le dimanche 24 novembre à 11h21, Lee Harvey Oswald est abattu dans le sous-sol du quartier général de la police de Dallas. Son assassin est un certain Jack Ruby, tenancier de boîte de nuit. Alors, quelle conclusion tirez-vous de la juxtaposition de ces faits ? Une évidence d'abord. Oswald n'a pas été arrêté pour le meurtre du Kennedy, mais pour celui du policier Tippett. Deuxième évidence, le capitaine Fritz a vraiment été étonné d'apprendre qu'Oswald se trouvait dans les locaux de la police. Pourquoi ? Parce qu'à cette heure-là, Oswald devait être mort. Enfin, troisième conclusion, mais celle-là ne vous étonnera pas, Ruby a tué Oswald pour l'empêcher de parler. Bah, il est peut-être temps maintenant de reconstituer le scénario, votre scénario en tout cas. Le seul scénario qui corresponde à la réalité, vous voulez dire ? Bon, très bien. Oswald, c'est le pigeon idéal, complètement manipulé. Et en plus, c'est un type qui ne peut rien refuser à ceux qu'il manipule. Mais pourquoi ? Parce que non seulement c'est le neveu d'un mafieux local, mais c'est aussi un agent de la CIA. Rappelez-vous que cet ancien marine a fait un long séjour en URSS et qu'il en est revenu avec une épouse. Pas facile de se marier avec une soviétique et de la ramener en Occident. Eh bien, lui, il a pu. Parce qu'il a dû persuader les soviétiques qu'il allait devenir un agent double. D'ailleurs, Oswald aimait à faire croire qu'il était pro-castriste. Une couverture, bien sûr. Et ça serait la preuve qu'il était un agent secret. Évidemment. Mais pourquoi un pigeon ? Bah parce qu'on a dû lui raconter toute une histoire, laquelle je ne sais pas exactement. Seul Oswald pourrait le dire, mais il est mort. Ça, c'est vrai. Oui. En tout cas, ses interlocuteurs ont été suffisamment persuasifs pour le décider à venir à son travail, ce fameux dépôt de livres qui est situé sur le parcours présidentiel, avec son arme, une carabine. C'est avec cette arme que le vrai tueur a tiré sur le président Kennedy. Le vrai tueur, donc, c'est pas Oswald ? Oui, mais bien sûr que non. Puis, conformément au scénario prévu, Oswald a quitté le dépôt de livres pour Oak Cliff. Et là, l'agent Tippett, un ancien policier de Chicago, devait l'abattre. Non, mais ça s'est pas passé comme ça. Mais oui, c'est la seule erreur qu'ont commise les assassins de Kennedy. Que s'est-il passé ? Tippett a-t-il reculé au dernier moment ? Sans doute. Et Oswald lui a échappé. Mais est-ce que c'est lui qui a tué Tippett ? Non, je suis à peu près sûr que l'agent Tippett a été abattu par un complice lorsque celui-ci a vu que Tippett se dégonflait. La meilleure preuve, c'est qu'Oswald n'avait pas de traces de poudre sur les mains. Et y a-t-il eu un second tireur lors de l'assassinat de Kennedy ? Alors là, franchement, je ne sais pas, mais ça n'a pas grande importance. Le président était ficelé, il ne pouvait plus échapper à la mort, tant étaient grandes les complicités à tous les niveaux. Dans la police, à la CIA, au FBI, la suite, vous connaissez. Ouais, la suite, c'est l'enquête menée par la fameuse commission Warren. Oui, la scandaleuse enquête de la commission Warren, voulez-vous dire. Mais ce sont aussi les morts mystérieuses qui ont suivi. Tous ceux qui auraient pu parler ont été supprimés. Il fallait que la vérité officielle, enfin l'assassinat du président par un tueur isolé, pro-castriste, ne soit jamais remise en question. Tenez, un dernier point. Trouvez-vous vraisemblable qu'un voyou comme Ruby et tuer Oswald par patriotisme, comme il l'a affirmé à son procès. La dernière de ces morts mystérieuses dont a parlé Monsieur X est sans doute celle en 1975 de Sam Giancana, un des chefs de la mafia. Celui qui, selon mon confrère de Valeurs Actuelles, aurait partagé sa maîtresse, Judith Campbell, avec le président Kennedy. Giancana a été abattu par un tueur à la veille de témoigner devant une commission d'enquête sénatoriale. Le frère et le neveu de Sam Giancana ont publié un livre en 1992, livre intitulé « Notre homme à la Maison Blanche », paru chez Robert Laffont et écrit à partir des confidences faites par le gangster à ses deux parents. On y apprend que cet homme, qui était l'égal d'Al Capone ou de Lucky Luciano, avait entretenu durant de longues années des relations avec Joe Kennedy, le père du président. À la veille de l'élection de JFK, Giancana contrôlait un véritable empire du crime qui s'étendait sur tout le territoire des États-Unis, mais aussi au Moyen-Orient et jusqu'aux Philippines. Selon ce document, comme nous l'a dit M. X, la mafia, grâce en particulier à Giancana, a mis tous ses hommes et beaucoup d'argent au service de la candidature Kennedy. Les urnes ont été bourrées, les électeurs réticents ont été intimidés, surtout dans le secteur de Chicago, où Giancana était tout puissant. Mais Kennedy, que Giancana appelait « notre homme » à la Maison-Blanche, est devenu soudain l'ennemi lorsqu'il a lancé le FBI aux trousses des principaux dirigeants mafieux. C'est alors qu'en liaison avec des hommes de la CIA qui considéraient Kennedy comme un traître après l'échec de la baie des cochons, la mafia a décidé de se débarrasser de Kennedy. C'est Giancana qui aurait été le coordonnateur du milieu. Giancana encore qui aurait choisi Jack Ruby pour tuer Oswald. Pourquoi Oswald ? Parce que cet agent de la CIA, selon Giancana, était parfait. Il avait l'air communiste, il sentait le communiste. Donc, il ne serait pas difficile de convaincre les gens qu'il était communiste. Pour terminer, et ce n'est pas la moindre des révélations de Giancana, le gangster affirme que le complot remontait jusqu'aux dirigeants de la CIA, dirigeants antérieurs et actuels, et qu'une demi-douzaine de réactionnaires texans étaient impliqués, dont le vice-président Lyndon Johnson. Un complot qui s'étendait jusqu'aux dirigeants de la police de Dallas, qui s'était arrangé pour que la protection du président soit particulièrement négligée. Bien sûr, il convient de prendre avec circonspection ces confidences d'un truand notoire. Mais par ailleurs, j'ai trouvé une récente interview de la veuve de Lee Oswald. Marina Oswald affirme avoir rencontré son mari pendant sa courte détention. Oswald semblait très confiant. Il était persuadé qu'il s'agissait d'une erreur et qu'on allait le relâcher. D'autre part, elle évoque la fameuse photo où l'on voit Oswald posé avec l'arme qui a tué Kennedy. Et elle remarque « S'il avait voulu tuer le président, se serait-il fait photographier ainsi ?»« Maintenant, dit-elle, je comprends. C'est un marché qu'il avait conclu avec les services de renseignement et dont ils se sont servis pour prouver sa culpabilité. » Enfin, pour ceux que cela intéresse, je signale que Judith Campbell, la maîtresse de Kennedy et Giancana, a récemment publié ses mémoires. Elle confirme dans les grandes lignes les confidences recueillies par le frère et le neveu de Sam Giancana. Et sa liaison avec JFK ne peut guère être mise en doute, puisqu'on a retrouvé dans les relevés téléphoniques de la Maison-Blanche la trace de dizaines d'appels de Judith. Je vous retrouve samedi prochain.